France Inter. François Morel, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Enfin, une bonne nouvelle en cette matinée du 25 décembre, la tournée du Père Noël s'est bien passée. Elle a pu avoir lieu dans des conditions à peu près normales et ce matin, dans la plupart des foyers, les jouets des enfants sont au pied du sapin. Ce n'était pas gagné, les inquiétudes étaient sérieuses, les chausse-trappes nombreuses. D'abord, quelques semaines avant la nuit de Noël, un mouvement syndical est né en Laponie. Les reines se sont légitimement inquiétées auprès du ministère du Travail. Devaient-ils participer à une tournée qui leur semblait particulièrement aventureuse, étant donné qu'elle était conduite par une personne qui non seulement n'était pas toute jeune, mais qui, de surcroît, si elle n'était pas à proprement parler obèse, présentait tout de même un surpoids évident que l'on pouvait facilement remarqué en consultant ses représentations traditionnelles. La Mère Noël, elle-même qualifiée à l'occasion de traîtresse par le Père Noël, a renchéri, faisant la liste des pathologies de son mari et remarquant perfidement que, vu son âge et sa corpulence, il lui était de plus en plus difficile de passer par les cheminées. Le Père Noël a tenu bon, a signé toutes les dérogations nécessaires, acceptant même de ne pas être assuré. Il s'est d'ailleurs rendu compte à cette occasion que sa police d'assurance ne l'aurait de toute façon pas couvert puisqu'elle stipulait dans un alinéa invisible situé en tout petit caractère au bas de la page 423 que l'assuré n'aurait droit à rien si son activité avait lieu dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le Père Noël a promis devant les autorités étatiques, la Mère Noël et ses caribous syndiqués, qu'il respecterait scrupuleusement tous les gestes barrières. Il a tenu sa promesse de façon exemplaire puisqu'il s'est arrangé, et vous pouvez en avoir confirmation auprès des rejetons de votre entourage, pour qu'aucun enfant ne puisse le croiser pendant la nuit, même l'apercevoir. On peut vraiment féliciter et remercier le Père Noël. D'autant que sa tournée n'a pas été une promenade de santé. Entre chaque foyer, il s'est obligé à se laver les mains avec la solution hydroalcoolique qu'il avait pris soin d'emporter dans de grands jerrycans remplis jusqu'au ras-bord. Très régulièrement, il changeait de masque chirurgical qu'il veillait après usage à ranger dans les grandes poches de sa houppelande rouge, plutôt que de les laisser traîner parmi les étoiles ou sur la voie lactée. Et surtout, il a limité le nombre de ses reines à 5, afin que l'expédition se limite à 6 individus. À propos, si des enfants nous entendent, le mieux serait de patienter un petit peu et de ne pas se jeter sur les cadeaux. On n'est jamais trop prudent. Les cadeaux sont bien emballés dans leurs papiers enrubannés. Laissons passer un petit peu de temps avant de les ouvrir, un quart d'heure, une demi-heure, 3 jours, 2 mois, afin d'être bien sûr qu'ils ne portent aucune trace de contamination. Joyeux Noël à tous!